Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, mon ami de toujours, ben ok, pas toujours toujours, là, mais depuis longtemps, Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Écoute, je suis obligé de prendre un 30 secondes pour vraiment te demander comment toi tu vas et comment va ton fiston. Parce que la semaine passée, on était absent parce que le fiston a eu des problèmes de santé. Et là, je t'avoue que tu as commencé à nous inquiéter un petit peu, là. Ouais, c'est sûr que c'est pas nécessairement l'émission pour en parler, mais oui, mon fiston a eu un problème de santé majeur au point où si on n'avait pas été à l'hôpital à temps, on aurait pu le perdre. Vraiment quelque chose de grave. Donc, j'ai passé, moi et surtout ma conjointe, là, on a passé les 16 derniers jours à l'hôpital. Soins intensifs, deux opérations et tout ça. Et fiston a sorti hier, donc pour les gens qui écoutent en podcast ou peu importe, là, c'est le 16, le 21. On a réussi à sortir de l'hôpital après 16 jours, donc on est bien, bien heureux d'être revenu à la maison. J'aurais bien aimé faire un podcast quand même la semaine passée pour, tu sais, me changer les idées, des choses comme ça, penser à d'autres choses, parce que fiston est en rémission, il était sorti de danger, mais on était quand même pris à l'hôpital, donc ça aurait été le fun pour nous changer les idées, mais j'avais pas mon équipement, j'avais pas de place vraiment pour avoir de l'internet, donc on a juste décidé de passer par-dessus pour la semaine passée. Mais on est de retour cette semaine. Fiston est à la maison. Présentement, pendant qu'on enregistre, il joue à sa Xbox One, il a l'air très très en forme, donc on a passé à travers une frousse, mais pour l'instant, là, tout va bien. Ben, parfait, tu vois. Je trouvais ça important de donner des nouvelles aux gens parce que beaucoup nous ont posé des questions cette semaine. Alors, heureux de voir que tout va bien, mon cher. Oui, fiston est de retour et bon, il est encore un peu amorphe, là, mais il est pas mal en pleine forme. Il revient à ses vieilles habitudes, c'est le fun de voir ça. Attends, il va devenir adolescent. Être amorphe, ça va être la moitié de sa vie, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, merci de demander. Mais oui, on a eu une frousse, mais là, on est de retour et on va continuer en force. On va essayer de reprendre notre vie normale. Bon, Marc, plusieurs chroniques cette semaine. On va parler de nos essais routiers. Toi, tu as la Volt 2017. Hey. Moi, je vais vous parler du Dodge Charger SXT que j'ai eu pas si longtemps. On va aussi avoir une chronique avec Martin Delavec sur les voitures électriques. Puis toi, tu vas nous terminer ça avec les nouvelles. Puis ton essai de la Twizy que tu as été essayer, le véhicule de Renault. On va en parler avec Martin, mais toi, tu as vraiment été l'essayer. Tu vas nous en parler un petit peu. Mais pour commencer, tu as été invité par Dodge Chrysler Fiat pour aller essayer ou aller visiter l'usine où on fabrique le Charger, le Challenger et le 300. J'en ai manqué des bouts, donc je vais te laisser me compter ça parce que j'étais pas vraiment sur la carte dans les dernières semaines, comme on a dit. Fait que je te laisse me compter ça, cette belle visite-là. Écoute, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Chrysler, depuis qu'ils sont associés avec Fiat Chrysler Automotive, sont embarqués dans une espèce de processus d'augmentation de la qualité. OK. Cette augmentation de la qualité-là, ça s'appelle le World Class Manufacturing et ils ont obtenu en décembre dernier la médaille de bronze. Et ils voulaient nous montrer en quoi ça consistait effectivement cette médaille de bronze-là. On est donc allé visiter l'usine de Brampton en Ontario, qui est une usine absolument gigantesque, il faut le dire. C'est une grande usine. C'est là que l'on fabrique, tu l'as dit, les Charger, les Challenger et les Chrysler 300 pour la totalité. Okay? Ouais. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut se souvenir, en fait, c'est que c'est une usine qui, il y a quelques années, a peut-être eu sa part de problème, mais qui, depuis quelque temps, a vraiment a haussé la qualité de son assemblage. Haussé au point où, l'année passée, Chrysler a obtenu 5 awards, 5 prix de J.D. Powers. Okay. Okay? Sur les 5, il y en a 4 qui ont été remis à des voitures assemblées à Brampton, en Ontario. Ce qui est quand même bien. Ce qui est quand même bien. Donc, on a vraiment mis en place tout un processus de qualité absolument incroyable dans une usine qui est très, très, très spectaculaire. Ouais. Écoute, on parle de 3 millions de pieds carrés à peu près, 3 500 employés, en fait 3 452 pour être précis, et à l'intérieur où tout se promène, toutes les pièces, il y a 32,8 kilomètres de convoyeurs. Ouais, ça commence à être long. Ça commence à être long. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'usine de Brampton, on fait je dirais presque tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est une des deux seules usines du groupe qui a sa propre presse. Donc, ils reçoivent vraiment le métal En en rouleau, rouleaux, là, ouais, c'est ça. des rouleaux de 20 000 livres quand même. Ouais. Et à partir de différentes presses, parce qu'ils ont des presses qui vont jusqu'à 3 000 tonnes, ils vont former la plupart des morceaux dont ils ont besoin pour l'assemblage de la voiture. Ouais. Après ça, bon, évidemment, il va y avoir toute la chaîne, et ça, c'est assez spectaculaire. Si vous avez jamais eu l'occasion d'aller visiter une usine de construction d'automobile, allez-y une fois dans votre vie, vous allez voir, c'est assez incroyable comme logistique. Le gars qui a pensé à la façon de faire est vraiment plus brillant que moi, là. Tout arrive, les pièces arrivent au bon moment, on assemble tout ça, on passe à la peinture, whoop, on désassemble les portes parce que ce serait trop compliqué de le faire. Les portes s'en vont ailleurs. Ils se retrouvent un peu plus loin avec les portes de la bonne couleur. Déjà, ça, c'est pas pire. Et c'est vraiment, tout ça est en partie automatisé, en partie manuel. Il y a des petits chariots automatiques qui se promènent un peu partout, transportant les pièces les plus lourdes. C'est vraiment, écoute, c'est une fourmilière incroyable. Moi, j'en ai visité plusieurs et à chaque fois, je suis absolument bouche bée de voir ça. Ce que j'ai trouvé cependant le plus fascinant, c'est le laboratoire. OK, laboratoire 2. Laboratoire de contrôle de qualité. Parce que ce qu'on fait chez Chrysler, en vertu de ce fameux système-là, de World Class Manufacturing, ce qu'on fait, c'est qu'on prend au moins une copie de chaque pièce à tous les mois. Et on évalue qu'elle correspond aux normes. J'imagine qu'ils en produisent une d'extra. Donc, c'est pas une pièce qui est supposée aller sur une voiture. Parce que comme tu dis, le timing est essentiel là-dedans. Parce qu'il faut, t'as des voitures qui, comme tu commandes, mettons, je sais pas, un charger de base. T'as Oui. l'écran, t'as le petit écran pour le Uconnect, tandis que le charger, faut l'équiper, a le gros écran. Faut que la bonne console avec le bon écran arrive pour la bonne voiture. Le timing est vraiment incroyable là-dedans. Fait que j'imagine cette pièce-là, c'est une extra qui presse puis qui envoie juste pour le laboratoire. En fait, non. C'est que la façon dont ça fonctionne, c'est que évidemment, ils ne checkent pas les pièces électroniques de cette façon-là, là, Non. dans le laboratoire, c'est fait ailleurs, mais on parle surtout des pièces en acier, des pièces en métal. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les pièces, une fois qu'elles sont passées à la presse, elles sont entreposées dans un système d'échafaudage qui doit faire comme 70 pieds de haut et qui est complètement robotisé. Et c'est là-dedans, au hasard, qu'ils vont chercher une pièce. Donc, ils ne savent pas où, ne savent pas quand, ne savent pas comment, ne savent pas quelle pièce va être sélectionnée pour l'inspection. Et ils l'amènent et ils la mesurent de façon extrêmement précise à un point. Et mettons, disons là, que le capot doit mesurer, je ne sais pas moi, 1 mètre et 2,3 cm. C'est n'importe quoi là. Ils ont droit à une marge de manœuvre de 0,65 mm. C'est pas gros. Ça commence à être assez petit là. Alors, évidemment, quand ça excède ça, ils rejettent directement la pièce. Si c'est en bas de ça, mais que c'est en haut de 0,45 mm, ils lèvent quand même un petit drapeau jaune en disant, écoutez, il y a un problème, on est à la limite de l'acceptable. Alors, il y a vraiment un contrôle de la qualité qui est absolument incroyable. Et le temps qu'on était là, on nous a montré comment ça procédait au laser et tout. C'est vraiment spectaculaire. Alors, évidemment, ça a permis d'améliorer considérablement l'assemblage, la qualité d'assemblage des véhicules. Et là, ben, ça a permis aussi d'obtenir la fameuse médaille de bronze en question. Une fois que tout est fait, et là, il faut voir comment, et je répète, là, mais la logistique, l'organisation, c'est fabuleux. Et d'un côté, on assemble la carrosserie, si tu veux. De l'autre, on assemble tout ce qui sont composantes mécaniques. Donc, la structure, le différentiel, la transmission, le moteur, les freins, tout ça, c'est assemblé sur deux lignes séparées qui, à la toute fin, évidemment, se regroupent entre elles. Donc, on assemble tout ça et on a eu l'occasion d'assister à la fin de la ligne, au premier démarrage des moteurs de ces voitures-là. Où là, elles sont là, et pour la première fois, il faut s'assurer que le moteur fonctionne. Donc, on tourne la clé, puis on écoute le son. C'est vraiment une expérience que j'ai trouvée assez incroyable. Est-ce que c'est parfait? Ben écoute, comme n'importe quelle usine, il y a des marges de manœuvre, il y a des trucs qui sont pas parfaites, il y a des choses qui ne sont pas... Même les gens de Chrysler nous le disent, là, on a un certain taux de rejet qui est très infime maintenant par rapport à ce qui était, mais on a un certain taux de rejet. Mais honnêtement, pour avoir visité plusieurs usines, je peux te dire que j'ai été impressionné de cette qualité d'assemblage. Ouais, puis faut que ça soit, comme on disait, faut que le timing soit parfait, faut que les bonnes pièces arrivent pour la bonne voiture, pour la bonne commande. Parce que quand la voiture s'en va sur la ligne d'assemblage, normalement, elle a son numéro de série. Fait qu'ils vont Oui. savoir au bout de la ligne, quel équipement, quelle couleur, quelle finition intérieure, du cuir, pas de cuir, la couleur choisie à l'intérieur. Tout ça, faut que ça arrive en même temps, là, au bon moment, quand l'employé arrive, puis que les pièces arrivent à lui. Il faut que ça soit la bonne console, faut que ça soit les bonnes choses. C'est vraiment impressionnant. Puis j'avais vu, moi, l'usine rouge où ils fabriquent le F-150. J'avais été visiter ça, puis oui. C'est une fourmilière, là. Ça bouge tout le temps, il y a toujours quelque chose à regarder, puis les pièces arrivent, puis ils accrochent ça, ils mettent ça dans l'auto, puis ils ont des techniques de travail assez incroyables pour pas se faire mal non plus, Oui, avec puis des des systèmes de super. levier, là, c'est ça. Ils ont ce qu'ils appellent des happy seats. Des happy seats, c'est des espèces de sièges, pas motorisés, mais disons qui sont faciles à déplacer, qui permettent aux gens qui travaillent à l'intérieur des voitures de travailler par l'extérieur tout en étant assis, au lieu de travailler comme avant, plié en deux. Ouais, Et debout. le gars qui était là était le président du syndicat, puis il nous disait, vous savez, il disait, on appelle ça des happy seats parce qu'à cette heure, les travailleurs font ça avec le sourire. Avant, ils disaient, ils souffraient toute la journée. Fait que, tu sais, c'est. Tout est vraiment pensé. Il faut voir. Écoute, nous, on roulait en kart de golf dans les corridors de ça. Et là, tu croises des espèces de grosses machines qui traînent des tonnes de métal. Puis, il n'y a pas de conducteur, là. Ça se dirige tout seul. Et là, il s'en vient vers toi. Nous, on était assis dans le kart de golf. Et à un moment donné, on l'a vu arriver. Elle a dû s'arrêter je dirais, à 30 cm de mes pieds, à peu près. C'est un peu troublant, je peux te le dire, mais c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Honnêtement, là, j'ai été très agréablement surpris de cette visite-là. Là, moi, la question que j'ai, c'est quand j'ai vu visiter l'usine de rouge, c'est facile, on fait juste du F-150. Là, on fait trois modèles différents dans des configurations différentes. Charger, Challenger, 300. Est-ce que c'est mélangé sur la même ligne d'assemblage ou il y a Oui, trois lignes? Ouais, on peut c'est voir un mélangé sur la même Charger ligne suffit d'assemblage, par un. puis. Honnêtement, tout le monde fait ça. Moi, je suis allé visiter l'usine Nissan, entre autres, et chez Nissan, on fait le Rogue, la Leaf et la Sentra sur la même ligne d'assemblage. OK, Mais donc c'est là, vraiment. t'imagines, on parle de trois moteurs différents parce que dont des composantes électriques. La façon de faire, en fait, c'est au début de la ligne où il y a une espèce d'atelier où sont placées les composantes. Et même c'est comme si tu avais 25 portes devant toi, puis ils préparent des petits chariots d'avance avec les pièces. Et les portes s'ouvrent toutes seules en fonction de l'ordre dont tu as besoin. OK, ah, T'sais, si c'est. tu fais une livre, tu sais, tu as besoin de fil vert, ben tu auras des fils verts, là, tu sais. Ah, c'est super bien fait. Donc, c'est beau. Merci pour la visite. Ça a été intéressant. Mais ça me fait plaisir, ça a été effectivement très intéressant pour moi, mon cher. Donc, on va prendre une petite pause, puis on va revenir avec nos essais routiers de la semaine. Avec plaisir. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Toi, mon chanceux, tu as présentement dans ta cour la nouvelle Chevrolet Volt 2017. Ça a été 2016 pendant un très, très court laps de temps. Ils en ont fait juste comme quelques-unes, puis on a tout de suite passé à l'année modèle 2017. Personnellement, je te dirais, c'est une voiture qui m'intéresse. J'ai beaucoup aimé la Volt de précédente génération. La nouvelle peut, j'imagine, juste être mieux. Toi, t'en penses quoi? Ben, effectivement, moi, je suis un fan de la Volt depuis le début, parce que je pense que c'est, en termes de voiture électrique, la voiture qui répond le mieux aux besoins des gens comme moi et toi. Ouais, moi, j'ai toujours dit aux gens, si vous voulez faire vos premiers pas dans le domaine de la voiture électrique, la Volt, c'est la voiture pour vous. Effectivement, c'est le cas parce que c'est vraiment, tu sais, comme on dit, c'est une voiture électrique, donc c'est une voiture qui roule à zéro émission quand tu l'as branchée. Et évidemment, elle a un petit moteur 4 cylindres 1,5 litre qui permet d'augmenter ton autonomie. Donc, tu n'as pas à te casser la tête nécessairement pour savoir où sont les bornes de recharge, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'arrêter et tout. C'est ça. Tu sais, par exemple, moi, hier, j'avais une journée de fou. Je suis parti de la rive sud, je suis allé jusqu'à Québec. Je suis redescendu, j'ai arrêté à Trois-Rivières et je suis revenu à la maison. Tu comprendras que si j'avais fait ça avec une voiture 100% électrique traditionnelle, aurait fallu que je m'arrête dans les chargeurs rapides. Ouais. Je comprends que c'est rapide, mais j'aurais quand même rajouté plusieurs heures à mon parcours. Ouais, c'est 20 minutes de la recharge, dépendant de ton kilométrage total. Tu as C'est rechargé ça. peut-être une ou deux fois, dépendant. Ouais. Au minimum. Ouais. Et c'est 80% en 20 minutes, hein? Oh ouais. En 30 minutes même. Alors, évidemment, là, ça complique les choses et ça aurait vraiment étiré. Alors que la Volt, ben, au contraire, j'ai été capable parce que je l'avais branché complètement. j'ai été capable de faire mon 80 km d'autonomie. Un peu moins, je dois le dire, parce que j'étais uniquement sur autoroute. Donc, évidemment, il n'y a aucune régénération de l'électricité au freinage. Ouais. Mais en revanche, ça m'a permis de faire ça et par la suite de me rendre sans trop de compromis. Évidemment, ça demeure une voiture électrique. Donc, tu le sais, t'en conduis une électrique. T'as quand même au départ une espèce de petite vivacité, là. Le couple est disponible rapidement. Ouais, un petit peu de C'est pep. ça, un petit peu de pep. C'est le fun à conduire. Quand ça part, ça part. La Volt, évidemment, on ne l'a pas construite pour être une voiture sport. C'est une auto qui est très confortable, qui est faite pour ça. On a amélioré considérablement la finition intérieure. Beaucoup d'accessoires, évidemment, moi j'ai la version la plus équipée. Bien sûr. Donc, beaucoup, beaucoup d'accessoires, des trucs le fun. J'aime beaucoup l'écran d'affichage que GM utilise maintenant pour son système MyLink, un système qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique à utiliser avec un écran tactile qui est efficace. Alors ça, c'est intéressant. Si on regarde du point de vue de la motorisation elle-même, qu'est-ce qu'on a fait avec la 2016 et demi, mettons? C'est qu'on a, d'une part, modifié le pack de batterie. On a littéralement diminué le nombre de cellules, donc on a enlevé une centaine de cellules, sauf qu'on a augmenté la grosseur de chacune des cellules. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a augmenté d'à peu près 20% la capacité totale de la voiture. Elle qui était bonne avant pour 64 km tout au plus, aujourd'hui, elle fait au moins 80 km quand on est en mode urbain un peu. Ouais, mais avec l'ancienne, j'ai déjà fait plus que ça. Dans le trafic, puis sur des petites routes, là, tu pouvais faire un peu plus que le 70 qu'il disait, là. Mais Ouais, tu sais, mais ça prenait des conditions idéales. comme la Volt actuelle, tu peux faire 100 km. Bon, ouais. Mais tu sais, on s'entend pour dire que ce n'est pas nécessairement l'objectif et la moyenne que tu vas atteindre, Non, c'est pas la là. norme. Non, puis c'est sûr que si tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éco-conduite puis de hyper-miling, oui, tu vas y arriver, mais en même temps, tu vas probablement avoir 203 ennemis derrière toi qui vont vouloir t'assassiner, Peut-être. là. Alors, la moyenne est de 80 km et on l'a fait. Ce qui est intéressant, c'est que cette moyenne-là se fait sans contrainte, sans compromis, sans être obligé de conduire une soucoupe volante, là. Ouais. Tu conduis normalement et tu vas réussir à faire ça. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Pour le reste, évidemment, quand le moteur à essence part, ben là, on parle quand même de 5,6 litres au 100 de moyenne pour le moteur lui-même. Ouais. Évidemment, quand on jumelle avec le moteur électrique, ça nous fait une moyenne de 3,9, mais uniquement en essence, on parle de 5,6 litres au 100, à Ouais, peu mais près. c'est rare qu'on va utiliser seulement essence parce qu'elle va tomber hybride normalement, puis on est C'est capable ça. d'avoir une moyenne popée. Puis le moteur consomme moins que l'ancien. Oui. Mais il est un peu moins puissant aussi. Il faut Ouais. dire qu'on est à 149 chevaux. Donc, c'est un peu moins, une quinzaine de chevaux de moins que l'année passée. Donc, c'est sûr que ça affecte aussi la consommation. Ouais. En revanche, au niveau de la maniabilité, au niveau du reste, c'est une voiture qui est vraiment agréable. Au niveau du confort, c'est bien pensé. Bon, écoute, on nous dit qu'il y a 5 passagers. On a mis les ceintures pour 5 personnes. Mais je connais personne que j'aille assez pour la serrer à 5e place. Au milieu, ouais, non, Ouais. moi non plus, pas à date. Écoute, la façon dont c'est fait, c'est t'as l'impression d'être assis sur un cheval, littéralement, quand tu roules. C'est vraiment totalement inconfortable, donc c'est pas nécessairement la bonne chose. Court trajet, genre, on va se poser au restaurant à 2 minutes de la maison, assis-toi au milieu, puis on va être là, ça sera pas long. Ouais, mais tu sais, assure-toi de pas avoir envoyé une petite madame en robe parce qu'elle va t'haïr, ça sera pas long. Ben ouais. Fait que donc c'est vraiment pas conçu pour ça. Par contre, l'espace de chargement arrière est demeuré sensiblement le même, même si la silhouette est un peu plus profilée, là. On a quand même un espace de chargement intéressant. C'est un hatchback avec hayon, donc avec un bon cache-bagage. Honnêtement, dans l'ensemble, c'est une expérience. Moi, j'aimais beaucoup la Volt. Je l'apprécie tout autant. Bon comportement routier, beaucoup d'équipement. Alors, tu sais, évidemment, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à cette voiture-là. À l'exception, peut-être, je te dis, comme je disais, là, du 5e passager. Le reste, je trouve ça bien intéressant. Pour quelqu'un qui, comme tu l'as mentionné, veut se lancer dans l'électrique, mais n'est pas nécessairement prêt à faire toutes les contorsions nécessaires avec une 100% électrique traditionnelle, je pense que c'est encore et toujours le meilleur choix. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est la plus vendue, probablement, dans son créneau au Canada. Et gagner plein de prix, voiture verte de l'année et toute la patente, là. Oui, écoute, c'est une auto qui, honnêtement, là, tu sais, du point de vue de la transmission, ben évidemment, tu ressens rien, là. C'est sûr que cherche pas un feeling de conduite avec une Volt, t'en as très peu, mais c'est pas fait pour ça. Non. C'est vraiment fait pour faire ce que c'est, c'est-à-dire t'amener confortablement et écologiquement du point A au point B. Et honnêtement, de ce point de vue-là, là, elle réussit très très bien sa mission. Oui, mais c'est quand même surprenant, les accélérations et tout ça. Puis une des grosses améliorations aussi pour la 2016-2017, 2016 et demi, là, c'est le fait que ça a plus besoin de rouler sur de l'essence super. Ça Ouais, roulait, c'est. avant, ça prenait du super, donc ça coûtait plus cher. Moi, j'avais réussi à faire comme 750 km avec 13 $ d'essence super. Ouais. Avec une Volt, là, fait que c'est vraiment très bien. Donc ça, puis les accélérations sont bonnes. Je me rappelle, l'ancienne génération, j'avais assis un pharmacien de la pharmacie où ma conjointe travaille, puis j'avais accéléré assez rapidement, puis il avait resté surpris. Puis c'était un gars qui conduisait une Mercedes, une C250, là. Ouais. Puis il avait resté surpris de comment que ça accélérait assez rapidement. Donc oui, ça peut décoiffer sur le départ, mais c'est une voiture qui est pas faite pour ça en partant, là, mais Non, c'est pas du tout. Par contre, confortable, je. ce qu'il faut lui donner, c'est que quand tu la conduis, tu n'as pas l'impression de conduire une auto électrique. Non, ça Ce c'est. qui est probablement un des plus beaux compliments qu'on peut lui Ouais. faire. Parce que, comme je disais, l'avantage, c'est que ça ne n'oblige pas à un compromis particulier. Et ça c'est intéressant. Et bien entendu, elle donne quand même droit aux 8 000 $ de contribution gouvernementale. Ouais. Ça aussi, c'est quand même intéressant. C'est considérable. Effectivement. Donc tu l'as aimé. Toi, t'es allé dans le côté un peu moins écolo, par exemple. Oui, mais pas totalement pas écolo. Moi, j'ai essayé le Dodge Charger SXT. Donc, c'est la version avec le V6 et non pas la version avec le gros V8 qui gronde. C'est vraiment drôle parce que le Charger, c'est une des voitures préférées de ma conjointe. Elle aime cette voiture-là, elle aime le look, elle aime le. Tu sais, que ce soit une berline, mais qui a quand même l'air agressive et tout ça. Donc, elle aime vraiment cette voiture-là. Puis je me rappelle en avoir loué une, je pense que c'est comme en 2008 ou quelque chose comme ça, pour descendre à Québec. On voulait se louer une voiture, on n'avait rien de confortable puis de spacieux. Fait qu'on a décidé d'aller, je pense que c'était chez National dans le temps. Puis j'ai demandé à la personne, t'as-tu un charger? Elle dit oui, mais je peux pas te le garantir. Regarde, j'aimerais vraiment ça avoir un charger. Puis on l'avait eu. On avait descendu à Québec avec ça. C'était confortable, c'était quand même bien. Mais l'intérieur, c'était le royaume du plastique, là. La finition était vraiment sommaire, c'était pas vraiment beau, ça craquait un peu. C'était pas super, mais côté confort, c'était correct. La version que j'ai eue, qui est la nouvelle version, moi, c'était 2015, pas encore le 2016. La finition intérieure était vraiment jolie. Cuir, tu sais, j'avais la version quand même plus équipée avec du cuir. Un cuir rouge à l'intérieur avec finition, c'était noir et rouge. Donc, l'intérieur était vraiment, vraiment joli. Ça sortait, ça avait l'air vraiment, vraiment classique, là. J'aimais vraiment son intérieur. Finition, vraiment changé. Le royaume du plastique, c'est vraiment fini. Avant, c'était vraiment tout carré, hein. Je sais pas si tu te rappelles des anciens tableaux de bord de Chrysler. C'était carré. Tu avais l'impression que c'était fait en bloc Lego. Là, on a vraiment mis des rondeurs. J'avais le Uconnect, qui est, à mon avis, un des meilleurs systèmes de divertissement du marché présentement. Il y en a peut-être d'autres, mais à date, Uconnect, moi, j'aime bien. J'aime la manière que ça fonctionne. C'est facile à utiliser. Confortable, la voiture. Quand même puissante. Moi, j'avais la version V6. Bon, il y a différentes configurations, là. Il y a un V6. Le même V6 a 292 chevaux dans la version SE, qui est vraiment la version de base. Qui commence à 35 295 $. Puis après ça, moi, j'avais la version SXT qui a un V6 quand même de 300 chevaux. Là, on parle de 38 395, donc un petit peu plus cher. Puis là, ben, on peut monter avec la version SXT Plus, RT, RT Road and Track, je pense qu'il appelle RT Road and Track, RT Scat Pack. Là, on tombe avec des V8. Et puis le SRT 392 qui est encore un peu plus puissant. Là, on parle de 370, on monte à 485 chevaux. Après ça, on a le L4 que toi, tu as conduit pendant un certain temps, qui est 707 chevaux, que moi, j'ai conduit pendant quelques minutes puis que j'ai quand même trippé. Donc, il y a vraiment une gamme assez infinie de possibilités pour le Charger, des moteurs différents, des transmissions différentes aussi. On n'a pas la même transmission dépendant du système. On a certaines versions qui sont disponibles aussi en 4 roues motrices, d'autres qui sont seulement propulsion. Donc, il y a vraiment différents choix dans cette voiture-là. Mais en général, moi, c'est une voiture que j'ai bien appréciée. Confortable, une bonne routière. J'avais descendu voir les Alouettes avec mon fils dans cette voiture-là. Puis vraiment, puis j'aime le nouveau look qu'ils ont donné. Ils ont modifié la calandre avant, les phares plus profilés, plus agressifs. Je trouve que ça y fait bien. Ça y a donné un petit rajeunissement bien mérité, parce qu'on s'entend, là, la plateforme du Charger, ça commence à dater, quoi, c'est 2005-2006, si je me rappelle bien. À peu près, là, t'sais, effectivement. La plateforme a jamais changé, là. Mais, tu sais, on a mis à jour l'intérieur, on a mis à jour l'extérieur, puis c'est une voiture qui a quand même s'est modernisée, sans être, tu sais, une voiture récente encore. Mais moi, c'est une voiture que j'aime bien. Ma conjointe l'a adorée. Les gens de chez Chrysler m'ont permis de lui laisser pendant une journée. Elle était aux anges parce qu'elle a vraiment aimé cette voiture-là. Donc, tu sais, c'est une bonne berline. C'est une belle berline. C'est une voiture qui fait tourner les têtes dû à son allure aussi. Elle a l'air musclée. Même si on a la petite version avec le V6, elle a quand même l'air agressive et méchante. C'est sûr que si vous avez un L4, les gens vont plus vous respecter. Mais une version V6, moi, j'ai trouvé que ça faisait amplement le travail pour cette voiture-là. Confortable à l'intérieur, jolie. J'ai vraiment aimé la voiture. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est une, tu sais, ça commence à dater tout ça. Mais j'ai pas trouvé que, elle faisait pas ressentir qu'elle était si vieille que ça. Chrysler était capable de la moderniser juste assez pour la garder fraîche un peu. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, là. Oui, totalement. Puis objectivement, moi, c'est des voitures, autant le Charger que le Challenger, c'est deux véhicules que j'adore parce que on a été capable de leur conserver le côté plus proche de la conduite originale des muscle cars. Ouais. Tu sais, je sais que tu es un fan fini de Mustang, là, Bon, ouais. Mais tu sais, il faut avouer que ce qu'on nous propose comme Mustang aujourd'hui, c'est les meilleurs Mustangs jamais construites, mais ça n'a aucun lien avec ce que c'était à l'époque. Un peu plus européen comme C'est ça. conduite. Alors que le Charger. Le Challenger aussi, mais le Charger beaucoup, ce sont des véhicules qui nous donnent encore cette sensation-là, l'espèce de gros char méchant, musclé, macho un peu, là. Et tu le dis, même le SXT, même le 6 cylindres donne cette sensation-là. Évidemment, le V8 est plus imposant, notamment au niveau du son, mais j'ai un faible pour le SRT plus que le L4. Et c'est vraiment, mais oui, t'as raison. Et l'intérieur, ben, c'est une grosse berline, ultra confortable, ultra équipée. Alors, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce véhicule-là non plus. À part peut-être, bien sûr, une consommation qui est un peu abusive. En tout cas, que moi, j'ai trouvé assez abusive. Mais Ouais. ça, c'est lié. Et le fait que, oui, écoute, les suspensions sont molles. C'est un gros véhicule pesant, là. Fait que si tu le conduis de façon dynamique un peu dans des virages un peu appuyés, t'es mieux de t'accrocher avec le volant, avec tes dents, mais pour le reste, là, ça se conduit plutôt bien. Ouais. Donc, la gamme de prix, on parle, comme je disais, 35 295 pour le modèle de base, puis on va jusqu'à 79 840 si vous voulez aller chercher votre SRT L4. Mais si c'est une voiture qui vous intéresse, puis vous avez le goût de vous acheter un Charger, allez-y. C'est pas une méchante voiture. Puis si c'est ça qui va faire que vous allez regarder dans votre entrée de garage, puis vous allez triper sur votre auto, allez le chercher. Moi, j'ai trouvé ça bien, bien intéressant, puis je la trouve belle. Je la trouve encore belle. J'ai encore un petit feeling pour le Charger. Bon, ben génial. Super. Écoute, là, on va se faire pardonner par les écologistes, parce qu'après la pause, on vient avec Martin Archambault de l'AVEC, et là, on va parler voiture électrique. Alors, nous sommes de retour et on rejoint Martin Archambault de l'AVEC pour venir nous parler voiture électrique. Salut, Martin. Salut, vous autres, comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, je pète le feu. T'as-tu vu le temps qu'il fait dehors? Ben oui, il fait beau. Hey, à toutes les fois que j'arrive au micro ici, je vous dis qu'il fait beau. Fait qu'il faut croire que c'est vrai. Ou il fait beau juste les journées où on enregistre. Peut-être. Ou les journées que tu viens sur le show. Fait que c'est Martin est un pourvoyeur de soleil, peut-être. On sait pas. Ah, écoute, en autant que je pourvois juste ça, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Ouais. Vaut mieux du soleil que d'autres choses. Oui, monsieur. Donc, Martin, plusieurs sujets cette semaine dans le domaine de la voiture électrique. On commence par Taxi Diamond. Ouais, qui fait le virage électrique. Écoute, les vilaines langues ou les langues sales te diront qu'ils sentaient peut-être un peu une saine pression, hein, par les temps qui courent. Peut-être de Théo Taxi. De Théo Taxi, de Uber. En tout cas, tout le monde les brasse à ce temps-là. Ouais, je parlerai pas de langue sale nécessairement. Je pense que c'est plus la vérité. Un jour, faut arriver dans le 21e siècle. Je pense que oui. Et Taxi Diamond a annoncé dans ce sens-là qu'elle faisait un pas par en avant. Du moins, c'est ma version des choses en annonçant un remplacement progressif là, de sa flotte de taxi vers des voitures hybrides ou électriques. Au moment où on se parle, il y a à peu près 110 véhicules hybrides chez Diamond Taxi. Mais ils veulent augmenter ça de façon substantielle là, pour progressivement, avec un horizon jusqu'en 2020, là, que la majorité de leurs taxis, là, c'est à peu près 1100 véhicules, soient rendus hybrides ou électriques ou hybrides branchables, j'imagine, là, un mélange de tout ça. Okay. Donc, des véhicules un peu plus verts. Mais j'ai vu ça quand j'étais allé faire un tour à Calgary, il y a beaucoup de Prius qui sont des taxis. Le seul problème, je regarde les chauffeurs de taxi conduire ça, là, Puis je me dis que l'hybridation ne doit pas faire grand-chose là-dedans parce que le pied dans le tapis tout le temps, l'auto doit pas avoir beaucoup de temps pour recharger ses batteries, mettons. Effectivement, mais ouais. Mettons que s'ils conduisent une 100% électrique, ils vont vite apprendre qu'il va falloir qu'ils changent leur façon de conduire parce qu'ils vont faire plus de recharge que de transport de personnes. Là. Fait que ça va les forcer, en fait. Hein. C'est un effet secondaire, ça, de la conduite 100% électrique, c'est-à-dire une... Il y a un changement qui s'opère dans notre façon de conduire parce qu'on est un peu plus conscient de l'impact de l'accélération brusque, les freinages trop dernières minutes. Si on apprend à tirer profit de la régénération de la batterie, mm-hmm. puis avoir une conduite un peu plus éco-responsable, disons ça comme ça. Donc, on ose espérer que ça va tourner avec. Donc, il n'y aura pas que Théo Taxi qui va rouler ou transporter des passagers en véhicule 100% électrique. Taxi Diamond devrait faire la même chose. On n'a plus que se réjouir et les féliciter. Oui, passant juste comme ça, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal ces derniers temps. Puis j'ai vu un taxi, justement un Théo Taxi, une Soul blanche et verte. J'ai trouvé ça cute. Hein? Non, j'ai trouvé ça cute. Oui, ils sont assez. Moi, personnellement, je suis abonné. Parce que, j'ai été sur le. Ils ont commis un projet pilote, là, c'est-à-dire qu'ils demandaient d'avoir des bêta-testeurs au début, puis j'avais donné mon nom, donc je les ai pris à quelques reprises, là, d'une façon un peu plus test au début, puis après ça, vraiment comme utilisateur, là, parce qu'il arrive que pour mon travail, j'ai des déplacements à faire à Montréal, puis j'ai toujours été bien servi, même je te dirais que dans les premières semaines où c'est devenu populaire, ils étaient victimes de leur popularité. On commandait avec l'application un taxi, puis on se faisait répondre « Désolé, tous nos taxis sont présentement en transport. Ils sont déjà en train de transporter quelqu'un. » Donc, il n'y avait pas assez de taxis, mais ils l'avaient dit. C'était en pilote au début, il n'y avait que, je me souviens plus combien, là, mais que quelques taxis qui étaient en marche. Mm-hmm. Et là, la flotte augmente pas mal. Là, donc, c'est le genre de problème qu'on devrait plus attraper, là, sauf par soir de... Comment on dit, d'affluence extraordinaire. Là. Ouais. Normalement, on devrait être capable d'en avoir. Ça devrait être pas bien. C'est un beau projet. Yes. Prochain sujet, la Chevrolet Bolt. Bolt. On est habitué de dire Volt, on dit Bolt, mais c'est Bolt. Hein? Mm-hmm. Bolt, pour laquelle les caractéristiques de la batterie sont un peu mieux connues. On savait que c'est une batterie qui a été développée avec l'aide de LG Chem. Mm-hmm. C'est une batterie qui a été annoncée à 60 kWh. Donc, ça nous donne une autonomie là, d'à peu près 320 km selon les normes EPA, là. United States Environmental Protection Agency. C'est la façon d'évaluer l'autonomie d'un véhicule électrique là, avec des normes qui sont un peu plus près de la réalité que ce qui était annoncé il y a 4 ans quand les premiers véhicules électriques sont sortis. Puis ouais. On nous annonçait 200 km sur une Leaf version 2011, là, ce qui était loin de en descendant une côte peut-être, mais là maintenant, on a des caractéristiques un peu plus réalistes. Bon, les normes du Japon sont très différentes aussi. Les normes du Japon, un char à 320 fait peut-être 600 là-bas. Là, oui, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'on donne toujours les normes selon la même, en fait, qu'on dise c'est selon quelle norme pour qu'on soit capable de se reconnaître un peu, ouais. Mais ici, en Amérique, on est pas mal aligné sur les normes PA. Là. Mm-hmm. On sait maintenant quelques des éléments supplémentaires par rapport à la batterie qui sont quand même intéressantes pour les gens qui s'y intéressent. Donc, le 60 kWh d'énergie, on le savait déjà. La batterie va faire 436 kg. Je ne sais pas si vous le savez, c'est passablement pesant. On le savait que ce serait pesant parce que les batteries dans un véhicule électrique, c'est une masse qui est assez imposante, qui est généralement sur le plancher là, du véhicule, donc entre les roues d'en avant et les roues d'en arrière, ce qui donne un centre de masse bas et assez présent. Ça permet des tenues de route aussi qui sont un peu différentes pour même des petits véhicules, là, mm-hmm. dû au poids. 160 kW de puissance pour le moteur. Puis cette puissance-là va être donnée par 288 cellules lithium-ion développées par LG Chem, comme on a dit précédemment. Ouais. Mm-hmm. C'est une batterie de tension nominale de 350 volts. C'est assez standard, là, les voitures électriques. Là, on a une tension nominale des batteries là, entre 350 et 400 volts. Là, donc, c'est assez standard. La batterie devrait être garantie 8 ans ou 100 000 milles. OK. 100 000 milles, c'est beaucoup de kilomètres. C'est probablement kilomètres. Comme 150, 170 000 kilomètres, quelque chose comme ça. 160 000 kilomètres. 160 000 kilomètres, ouais, c'est ça. Donc, et la batterie devrait être capable d'accepter des recharges rapides en courant continu, là, donc sur une BRCC, là, les fameux chargeurs rapides de niveau 3, jusqu'à au moins 50 kW. Là. Donc, les chargeurs qu'on a actuellement, ça tourne aux alentours de 40-45 kW là, quand tu charges à un petit peu en bas de 400 volts, généralement là, 380 volts ou à peu près, puis avec un courant, du moins quand la batterie est pas mal vide, aux alentours d'une centaine d'ampères, là, on roule dans ces eaux-là. Donc, on devrait être capable de charger sans trop de problèmes sur les BRCC standards. Avec un port SAE combo, j'imagine? Oui. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Et là, bien évidemment, à la radio ou en podcast, c'est un peu plus difficile de le démontrer, là, mais la forme de la batterie là aussi là, a été. Ils ont rendu public, là, en fait, on peut voir là, maintenant sur les sites spécialisés le look que va avoir le battery pack là, de la voiture. Là, donc, c'est différent. Ça, on est habitué chez Chevrolet de voir celui de la Volt qui est fait en T, là, en forme de T, mais dans le cas de la Bolt, c'est vraiment un rectangle, un gros rectangle, un petit peu plus haut sur un côté que sur l'autre, là, mais c'est quand même. Ça a l'air d'un petit toulet. Là. Ouais, un petit toulet rectangulaire. Ça mange pas beaucoup d'espace parce que la voiture, pour mettre assis dedans, là, est assez spacieuse. Donc, c'est quand même. Ouais, coupé, ouais, ça mange pas trop. C'est pas si gros que ça. En fait, les photos, puis s'il y en a qui veulent les voir, là, vous pouvez aller sur le site de l'AVEC, là, c'est disponible. On voit le battery pack à côté d'être humain. Là, ça nous aide à voir les proportions que ça a. Donc, c'est gros dans le sens où les battery packs qu'on voit normalement dans les appareils domestiques, c'est pas gros comme ça. Mais par rapport au volume de la voiture, c'est pas si gros que ça. OK, c'est bon. Donc voilà, c'était l'information que je voulais vous donner à propos de ça. L'autre point que je vais vous parler, c'est l'arrivée de la Twizy. On en a parlé dans une dernière chronique de la petite Twizy qui est un petit véhicule basse vitesse. Là. Ouais, de Renault. De Renault, oui, qui va être distribué au Québec par les gens de Azra, là, ceux qui ont mis en place le réseau de bornes de recharge Azra, qui vont être distributeurs de la Twizy. Ouais. La Twizy, c'est un petit véhicule deux places, donc un siège en avant puis un siège en arrière. Là, tu sais, deux places, un en arrière de l'autre, un peu comme assis sur une moto, dans le fond, ouais, mais c'est vraiment des bancs. Là. C'est un petit véhicule urbain. Dans son modèle actuel, là, c'est un modèle qui va à 40 km/h, mais il y a une version 80 km/h qui sera bientôt homologuée et disponible aussi. Il y a un plan lancé par Azra de location mensuelle de 99 $ par mois pour la Twizy, incluant les frais d'enregistrement, d'assurance, d'immatriculation. Donc, tout est inclus dans 99 $ par mois. Ça va être bon pour les gens qui restent en ville, qui veulent une petite voiture qui peut se garer à peu près n'importe où, qui ne font pas nécessairement beaucoup de kilométrage. Parce que sur l'autoroute, une Twizy, ça doit être assez ordinaire. Ben, premièrement, le modèle dont on parle n'a pas le droit de rouler sur l'autoroute. Non, la 80 peut-être. Donc, c'est des modèles qui sont destinés à un usage urbain, je dirais essentiellement, puis beaucoup dans d'autres pays, ce qu'on voit, puis c'est aussi l'idée d'Azra, là, qui a un plan derrière la cravate dans cet angle-là, c'est un petit véhicule qui est bien adapté pour un programme, par exemple, d'autopartage. Donc, un peu à la Bixi, là, tu sais, tu prends la voiture, je sais pas, tu es au centre-ville, tu vas aller faire une commission ou une réunion à l'autre bout du centre-ville, tu te déplaces avec ce véhicule-là, tu le laisses là, puis quand tu reviens, ça peut être celle-là ou un autre qui est rendu là, puis tu reviens avec un autre. Là. Bon, et puis quand tu la laisses dans le rack ou l'endroit où adapté pour ces petits modèles de voiture Twizy-là, ben, tu la rebrancherais, ce qui fait que le suivant, quand il reprend, ben est totalement ou en tout cas partiellement rechargé. Donc, ça assurait une recharge constante des véhicules aussi. Puis étant donné que c'est pour des déplacements en ville sur de courtes distances, ben tu n'as pas le temps de vider là, à peu près la centaine de kilomètres d'autonomie qu'il y a dans ces véhicules-là. Ouais, c'est quand même pas pire. Pour une voiture urbaine, ça doit être C'est ça. Faut pas voir ça comme étant un concurrent d'une voiture traditionnelle là, pour faire de l'autoroute, bien entendu. Là, non, c'est clair. Du tout clair. La même affaire. Rapidement, deux points que je t'envoie en vrac. Le premier, c'est les ventes des véhicules électriques pour les premiers mois de l'année aux États-Unis sont sorties. Celles du Canada, on va les avoir bientôt. Ben, du Québec, plus précisément, l'AVEC, là, on les produit, sont sur le bord de sortir. Mais pour les États-Unis, le mois de mars a été un mois record avec 13 725 précisément véhicules électriques qui ont été vendus. La plus vendue, d'après toi, c'est quoi? La plus vendue, ça serait la Leaf, d'après moi. Et ben non, elle arrive en troisième, la Leaf. Aux États-Unis, la plus vendue et de par, je te dirais, presque trois fois et demi plus que de Leaf, c'est la Tesla Model S. OK, ils ont plus d'argent que nous autres. Nos voisins américains sont fortunés. Ouais. C'est suivi de la Chevrolet Volt avec 1865 ventes au mois de mars, là, juste pour le mois de mars. Puis la Leaf, c'est 1246, pas loin derrière. C'est quand même pas pire. Ouais, suit ensuite la Ford Fusion Energy. 1200, la Tesla Model X, évidemment, c'est surprenant, mais il y a beaucoup de Model X qui sont vendus. Ensuite, la C-Max Energy, la Audi A3, e-tron, la Fiat, bon, puis ça qu'on prenne à nommer, là, il y en a plusieurs après ça, là, ça descend tranquillement pas vite, là, jusqu'à des modèles qui se vendent en très, très petite quantité, comme la Porsche Panama, puis etc. Panamera, ouais. Ouais. Oui, j'ai dit Panama, excuse-moi, Panamera, oui. Ouais. Puis écoute, c'est vendu une Mitsubishi Miev. Elle est sur le bord de partir. Elle est sur le bord de partir, exactement. Mais quand même, il s'en est vendu. C'est quand même un bon mois de mars aux États-Unis. Pour vous donner une idée du total des ventes depuis le début de l'année, ce que ça représente, janvier, février, mars, on parle d'environ 27 000 véhicules électriques là, qui ont été vendus. Non, c'est quand même pas super. Alors, voilà, rapidement, je te tire la plug pour ne pas faire un jeu de mots d'auto électrique en te disant, vous avez sans doute entendu parler de la petite controverse à propos de la changement aux normes du bâtiment pour les prises de véhicules électriques. Là. Ouais, oui, il y en a qui capotent complètement. Ouais. Je veux juste rectifier le fait, là, parce que c'était mal interprété très souvent. On n'obligera pas les constructeurs de bâtiments d'habitation de mettre des bornes pour voitures électriques. On va demander de prépasser le filage pour se rendre vers l'extérieur, de façon à ce que si le nouveau propriétaire veut s'installer une borne, il pourra s'en acheter une, puis le fil entre le panneau électrique puis la prise extérieure va être passé. Ouais. Un peu comme vous avez une prise de 110, souvent dehors, qui vous permet de brancher le chauffe-moteur d'un véhicule à combustion normale. Là. Sur une tondeuse électrique, un weed eater, n'importe quoi. Là, ben là une borne de recharge, ça marche sur le 220. Fait que quand tu t'achètes ça aujourd'hui, ben souvent, il faut que tu appelles un électricien qui part de ton panneau électrique puis qui te passe des fils électriques pour s'en aller vers l'extérieur, là, ou le garage là, pour une prise sur le 240 volts, on va demander de prépasser les fils. On parle de, au maximum quelques centaines de dollars, là, peut-être un 300 $ là, de temps et de matériel pour se rendre jusque-là. Sur le prix d'une maison, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Ouais. De toute façon, c'est vers là qu'on s'en va. On dit ça aujourd'hui, puis peut-être que dans 25 ans, ben la proportion des maisons sur lesquelles il va y avoir des bornes de recharge va être tellement grande qu'on va se dire pourquoi on n'a pas fait passer les fils avant. Puis c'est cohérent avec le programme d'électrification des transports du gouvernement et les changements de législation que le gouvernement avait annoncé de mettre en avant pour être capable d'arriver à ses fins. Ben il faut que le reste de la machine suive. C'est pas juste de vendre des autos, mais c'est que l'infrastructure et tout le reste, il faut que ça suive. Bien ça, faut pas capoter. Là. Moi, je l'ai fait faire par après que ma maison soit construite. Ça m'a coûté, je dirais, à peu près 160$ de stock, donc filage, boîte et tout ça, breaker ou disjoncteur. Puis ça a coûté 120$ d'électricien. Le faire poser. Faites le calcul, là, ça m'a coûté à peu près 300$. Puis toi, c'était une maison qui était... Construite, mais mon plafond était ouvert, mon plafond, le plafond suspendu, là, mais il a quand même fallu que je passe au panneau. Ça, j'ai passé le fil moi-même, ça m'a pris 20 minutes à faire, puis c'est ça, ça a coûté à peu près 300$. Fait que 300$ sur le prix d'une maison de 300 000, mettons, là, c'est insignifiant. Ouais, je pense que c'est une petite tempête dans un verre d'eau. En fait. Il y a tellement de lois qui régissent les normes du bâtiment, et surtout le code électrique, là, qu'il y a bien d'autres affaires que si on nous lisait l'article de loi tel qu'il est écrit en nous disant que c'est nouveau, on virerait fou bien plus que ça. Ouais, non, c'est chioler pour chioler. Ouais. Mais bon, c'est beau. Fait qu'on va terminer là-dessus. Martin, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? On peut m'écrire à martin@avec.ca ou sur notre site web www.avec.ca. Merci Martin. Merci beaucoup les boys. À la prochaine. Ciao. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure des nouvelles et quelques autres petites choses. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Veux-tu commencer par les nouvelles, la Tweezy? On a parlé un peu avec Marc, avec Martin de la Tweezy, brièvement. Toi, tu l'as essayé. Veux-tu commencer par ça? Ou... Ben, moi, je l'avais essayé déjà en Europe l'année passée, il y a 2 ans, quand j'étais allé au Salon de Genève. Excusez. Oui, excuse-moi, ça paraît bien. Honnêtement, là, c'est un véhicule que je ne recommande absolument pas. Il y a rien d'intéressant dans ce véhicule-là. Ça n'a pas de tenue de route. C'est très haut, pas très large. Alors, quand tu prends un virage un peu trop appuyé, tu as l'impression que tu vas te ramasser sur le côté, ce ne sera pas long. Ouais. C'est évidemment, ben, écoute, je n'ai pas utilisé la version canadienne parce que les versions européennes n'ont pas de fenêtre latérale. Je pense que les versions canadiennes non plus. Ben, ils vont en avoir, okay. Mais ça va être des fenêtres qui ne seront pas amovibles. C'est donc des fenêtres qui vont comme être juste comme clipsées là, que okay. Tu pourras pas baisser, que tu pourras pas de faire. Okay. C'est les voitures que l'on dit capables de rouler en hiver. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Alors, on devrait fournir une couverture chauffante avec le véhicule. Tu sais, honnêtement, là, c'est un kart de golf. C'est vraiment un véhicule. Puis en plus, c'est un kart de golf plate parce que tu es assis un derrière l'autre. Ouais. Et honnêtement, avec ma taille de jeune fille, réussir à me glisser en arrière, c'est assez quelque chose. Ouais, pas de mince à la cuisse de madame quand tu conduis non plus. C'est ça. Estibolement, dire que juste d'être capable de respirer assis en arrière, pour moi, c'est un défi. C'est pas... On oublie la cuisse. On oublie ça, j'avais d'autres pensées, m'en dire. Mais alors, c'est vraiment un véhicule. Honnêtement, je ne comprends pas ce désir-là. En fait, oui, je le comprends, parce que c'est pas la Twizy qui est intéressante. Okay. C'est-à-dire que là, on arrive avec une Twizy qui va être 99$ par mois, avec assurance et immatriculation, inclus en location, parce qu'ils ont essayé d'en vendre l'année passée, puis il y a personne qui en a acheté. Là. On va se dire les vraies affaires. Ouais. À 18 000$, il y a personne qui voulait de ça. Comprends pas. Ben moi non plus, aux surprises. Et c'est limité à 40 km/h. Ouais. Fait que c'est fait si tu rentres, si tu restes en ville puis tu sors pas de là. Ouais, puis ça, c'est dans la mesure où le Québec va avoir l'autorisation de rouler, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais, c'est ça. Je te rappelle, oui, le ministre Daou a dit ça va être fait avant l'été, mais pour le moment, c'est pas encore fait. Donc, tu as le droit de l'utiliser uniquement dans un parc fermé, mais pas ailleurs. Ouais. Donc, c'est évidemment, ça commence à être un peu compliqué. Ceci étant dit, on espère être en mesure d'amener la version 80 km. 80 km/h, déjà, ce serait mieux, mais encore que ça limite les endroits où tu peux t'en servir, parce que tu peux pas... Oui, tu peux aller sur certaines routes de campagne, mais pas sur toutes. La vraie nouveauté, en fait, c'est qu'on espère qu'avec ça, Renault va trouver le marché nord-américain assez intéressant pour justifier l'arrivée de la Zoé, par exemple. Ouais, ça serait bien, la Zoé, qui est la petite sœur cute de la Leaf qu'on a déjà dit à l'émission. Exactement. Oui, ouais. c'est ça. Pas que la Leaf n'est pas cute, mais en tout cas. Mais la Zoé l'est plus. Ouais, c'est ça. Alors, donc, on anticipe que si ça va bien avec la Twizy, on pourrait peut-être amener la Zoé, ce qui serait en soi une bonne nouvelle. Alors, la réalité, moi, je pense que c'est celle-là, parce que les chiffres de vente prévus pour la Twizy, écoute, retiens pas ton souffle, là. On parle de 600 unités en 24 mois au Canada. OK, ouais, fait qu'ils sont réalistes, ils savent que ça sera pas pour tout le monde, mais ça va être quelque chose de niche, quelque chose peut-être de cool à avoir. Donc, certaines personnes vont vouloir se lancer dans cette aventure-là. Honnêtement, t'as-tu vu de quoi ça a l'air? Ouais, je sais. C'est let, mais regarde, je veux dire, il y a des voitures let qui se sont vendues avant aussi, donc... En tout cas, bref, moi, je ferai pas de commentaires sur les voitures let qui se sont vendues avant, parce que je sens que ça va me revenir dans la face, fait que j'aime mieux pas en parler. Il y a beaucoup de choses qui te reviennent dans la face, donc retiens-toi un petit peu. Alors, c'était mon impression de la Twizy, honnêtement. Tu sais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe Azra, qui est derrière tout ça, ils veulent investir 40 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour établir un réseau de bornes de recharge partout au Canada. Ouais. Je pense que c'est plus ça leur vrai intérêt que la Twizy elle-même. Oui, mais c'est quand même, tu crées un partenariat avec Renault qui pourrait t'apporter d'autres choses, parce qu'il y a aussi, c'est-tu le Berlingo qui font aussi, qui est un véhicule électrique de pour la poste, des choses comme ça. Il y a la Zoé, il y a d'autres véhicules peut-être qui vont faire. Fait que ça pourrait être une porte pour avoir d'autres véhicules électriques. En passant, vite, là, Azra, si vous avez un centre d'achat ou vous avez une place, sont ouverts à entrer en partenariat avec des gens comme vous pour installer des bornes. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir le site d'Azra, puis vous pouvez rentrer en contact avec eux. Ils veulent installer des bornes au Québec. Fait que si vous avez un centre d'achat, une tour à bureau, des choses comme ça... Ouais, ils parlent même de tour à condo si on veut avoir des bornes publiques, quoi, pour partager, des choses. C'est ça. Fait qu'on entre en communication avec eux, puis ils sont ouverts à vous aider là-dedans. Donc, OK, à part de ça... Ben écoute, à part de ça, évidemment, il faut absolument parler de Volkswagen qui est en train de régler ses problèmes de Dieselgate. Ouais, essayer de régler. Ouais, essayer de régler. Quoique, je pense que là, il faut comme faire le ménage entre les rumeurs et la réalité. Ça, c'est dur parce que Volkswagen ne dit pas grand-chose. Ben, ils n'ont pas le droit. Ouais, c'est mais ça, c'est la ça. Particularité, c'est que Il faut savoir qu'il y a un juge, le juge Charles Breyer, qui de San Francisco, avait forcé Volkswagen à trouver une solution avant le 21 avril. Or, le 21 avril au matin, Volkswagen est allé lui présenter une solution, une entente de principe qui est survenue avec le gouvernement américain, qui concernait une solution possible. Il y a eu toutes sortes de rumeurs, qu'il y a chaque propriétaire aurait 5 000 $, que, bon, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que les propriétaires de véhicules qui ont des moteurs 2 litres TDI vont recevoir une offre qui, soit, s'ils sont en location, soit d'annuler le contrat de location, soit de faire réparer la voiture, soit que Volkswagen la rachète. Okay. On sait aussi qu'il y aura une compensation, mais on ne sait pas de quelle nature. Okay. Parce que ça, ça n'a pas été précisé. Et le juge dit, je refuse de rendre public les termes de l'entente avant l'audience finale qui est prévue pour le 21 juin. Donc, on ne saura pas avant le 21 juin quelle est la réalité du côté de Volkswagen. OK, OK. Fait que ça, c'est pas exactement ce qu'on a lu dans les journaux récemment. Non. Mais ça commence, ça commence à être long, là. Ouais, ça, là, ça commence à être long. Et dis-toi que là-dessus, ils n'ont pas réglé en Europe encore. Ouais, non. Et là, on parle d'un investissement de 10 milliards de dollars, ce qui va les placer, heureusement, à l'abri des poursuites, je dirais, là. Ouais. Mais n'empêche que c'est 10 milliards de dollars. Et là, c'est seulement pour 500 000 véhicules aux États-Unis. Par la suite, Volkswagen Canada a confirmé qu'ils étaient pour se coller à la directive de Volkswagen US. Okay. Donc, ce qui va se passer aux États-Unis va aussi se passer chez nous, mais on ne sait pas, encore une fois, quel est le fondement exact de l'entente de principe. Okay. Donc, si vous êtes propriétaire d'un Volkswagen 2 litres, ben retenez votre souffle encore quelques mois parce qu'on ne sait pas quoi faire avec votre voiture. Ça, en résumé, ça, c'est la clé. Ouais. Le problème, c'est si vous avez une Volkswagen 3 litres, le V6 qui a été utilisé, entre autres, dans le Touareg, dans le Porsche Cayenne, dans le Audi Q7, mm-hmm. Il n'y a pas de solution encore. Donc, on est encore en train de chercher la solution pour à peu près les 100 000 véhicules qui restent. Ouais. Fait que tout n'est pas réglé, loin de là, dans le dossier Volkswagen, mais honnêtement, c'est quand même enfin une bonne nouvelle. Là, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon qui va être intéressant. Ben, on espère pour les gens, parce qu'ils doivent commencer à tanner un peu dans... Quoi qu'il y ait des gens qui doivent juste s'en sacrer, là. J'ai acheté une voiture, ma voiture fonctionne, qu'elle pollue plus ou moins, je veux dire, d'un côté, c'est pas vraiment de leur faute. Non, effectivement. Mais, tu sais, à un moment donné, t'en as qui se sont fait promettre certaines choses, puis là, tu te aperçois que, ben, c'est pas ça. C'est pas une belle image pour les constructeurs automobiles en général, parce que il y en a, beaucoup de gens doivent se dire, ben, si Volkswagen l'a fait, il doit en avoir d'autres. Renault, en Europe, s'est fait ramasser aussi un petit peu, là. Oui, ben, écoute, et le pire, c'est... Mais là, on parle de pollution. Mais ouais. Renault, en Europe, ils n'ont pas été capables de rien prouver. Hein. Ils n'ont pas rien trouvé. Non, non, non. Par contre, cette semaine, dans la série des nouvelles un peu étranges, c'est Mitsubishi qui s'est fait appogner. Oui, mais ça va être 4 autos, je veux dire, 4 chars. Attends, 4 autos pour le moment. Oui. Et ça, c'est le gros problème. Parce que, honnêtement, moi, c'est pas les 4 voitures qui me fascinent. C'est le fait qu'ils aient été assez pas brillants pour faire ça. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont triché, non pas avec les normes de pollution, mais avec les cotes de consommation. Ouais. Or, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont pris leurs partenaires pour des imbéciles parce que c'est des voitures qu'ils fournissaient à Nissan. Okay. Alors, quand Nissan a pris les voitures et ils ont fait l'étude, ils se sont aperçus que les cotes de consommation n'étaient pas du tout les mêmes. Ouais. Et là, ils ont dit, ben là, il y a un problème et Mitsubishi a été obligé de s'excuser publiquement. Et là, ce que ça fait, ben, c'est que pour les prochains mois et les prochaines années, ils vont faire des inspections de plus en plus serrées sur les données fournies par les manufacturiers parce que Mitsubishi, c'est pas le premier, là. Non, rappelle-toi Kia et Hyundai qui avaient été forcés d'envoyer des cartes de crédit prépayées à leurs clients. Ouais. Ford qui a été obligé de changer les codes de consommation de son Escape hybride. Ouais, ouais. Tu sais, fait qu'on est vraiment, les manufacturiers fournissent eux-mêmes les données, mais là, je pense qu'ils vont être extrêmement surveillés. Alors ça, je pense que c'est la nouvelle de la semaine, évidemment, dans le cas de Mitsubishi. C'est assez intéressant de voir qu'il y a d'autres manufacturiers qui ont été assez nono pour se faire attraper là-dedans. Bon, d'un autre côté, c'est un système niaiseux aussi. Demander aux compagnies de s'auto-réguler. On s'entend-tu que ça rouvre la porte à du niaisage, là? Oui, mais sauf qu'en même temps, tu sais, c'est basé sur la bonne foi, sauf que quand t'es rendu que tu vends des millions de véhicules, peut-être que la bonne foi, elle passe derrière le profit. Là. Derrière le remplissage de la poche, exactement. Exactement. Parce que Ford, il n'y avait pas eu des problèmes aussi avec le C-Max hybride puis la fusion hybride. Toutes les hybrides, en fait. Tout ce qui était hybride avait... ça avait des consommations un peu biaisées, là, ouais. C'est ça. Effectivement. Ben... C'est pour ça qu'ils ont changé tous les codes de consommation depuis. Ouais, ben, je pense qu'ils annonçaient du 2,2 litres au 100 km, ce qui est inaccessible. Là. C'est ouais. absolument inatteignable. Là. Je pense que j'ai réussi à. Le plus bas que j'ai réussi à faire avec un C-Max hybride, c'est, je pense que c'est 4,4. Ouais, c'est ça. Non, c'est oublie ça. Là, c'est... J'ai rien à faire. Bon, ouais. Mais parlant d'hybride, ben, y a Honda aussi qui nous a présenté cette semaine la Honda Accord hybride avec le même principe utilisé avant, c'est-à-dire deux moteurs électriques, là, un qui est directement branché sur le différentiel et l'autre qui agit comme support. C'est un petit 4 cylindres, bien entendu. Fait que c'est ce qui s'en vient chez Honda, mais il n'y aura pas de version branchable, mon cher. OK, pas de. Mais l'accord hybride branchable existait déjà. Oui, mais là, c'est terminé. Avec une hybride. Okay. Là, c'est terminé. Il n'y en aura plus. Donc, on verra ce que ça va donner pour la suite. OK, super. Donc, Marc, c'est pas mal ça pour cette semaine. Si les gens veulent te lire, t'écrire, te contacter, comment font-ils cela? Écoute, ils peuvent venir voir sur tous les sites de NetMedia 360, Écolo Auto, VUS Mag, Auto Féminin ou LuxuryCar.com, LuxuryCarMagazine.com. Sinon, sur ma page Facebook et bien sûr, m'écrire sur Twitter, c'est Marc Soulignier Bouchard dans Twitter et notre superbe adresse courriel que toi seul connais. info@saroulradio.com. Donc, c'est une adresse où moi et Marc, on reçoit les courriels que vous voulez écrire à un ou à l'autre ou aux deux, mais on reçoit ça. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est @scalazormo. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, dépendant là, de mon humeur journalière. Des fois, j'ajoute, des fois, j'ajoute pas des gens sur Facebook, mais dites-moi que vous écoutez l'émission, puis ces choses comme ça, puis souvent, je vais vous ajouter quand même. Vous pouvez aussi me lire sur la blog automobile de Kijiji, qui est frkijijiblog.ca, dans la section véhicules. Puis on a le site saroulradio.com où vous pouvez retrouver toutes les émissions. On est aussi sur iTunes, on est à Radio H2O, on est sur Radio Highway. Puis on est aussi maintenant sur Google Play. Donc tranquillement, Google est en train de mettre des podcasts dans Google Play. C'est pas accessible à tout le monde, mais on est disponible. Je sais qu'on est disponible parce que Google me l'a dit. Donc la journée que les podcasts vont apparaître dans votre Google Play, vous allez pouvoir nous retrouver là aussi. Donc, on est pas mal partout. S'il y a quelque chose, communiquez avec nous, puis je peux vous donner d'autres manières de télécharger l'émission ou peu importe, question. On aime ça entendre parler de nos auditeurs. Donc là-dessus, Marc, je te dis merci. Je dis merci, merci à toi. Encore aux auditeurs de nous avoir écoutés une autre fois cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye bye, bonne semaine. Bye.